Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 19 mars 2007. À la veille du 4e anniversaire de l'invasion en Irak, 25 personnes ont péri ce matin dans une série d'attentats, dont 15 à Kirkouk. Ça s'est passé à 250 km au nord de Bagdad. 4 bombes ont explosé en l'espace de 25 minutes. De nombreuses bombes tombent, creusent des tombes et plongent un cimetière dans un cimetière sombre. Nibita gobe l'état du globe depuis 20 ans, Bagdad crame. Les gars révèlent Oussama ou Abad Saddam. De nombreuses bombes tombent, creusent des tombes et plongent un cimetière dans un cimetière sombre. Mais les grands de l'espoir, des gens dignes, que mieux des chars, des champs de mines, chantent l'hymne de l'espoir. Faut que je nous filme en infrarouge, un ciel rempli de 1000 étoiles qui filent. Déflagration, l'aviation, lâche une pluie de missiles. Les combats blasions, GI à l'action, dans l'opération. J'ai voté la technologie pour tout raser. Mais notez que l'hémorragie suffit à nous calmer. Marchons la tête, dites merci pour la démocratie. Sur le terrain, les morts, dans les couloirs, la diplomatie. Le temps est gris, Mossad, il pleut sur Bagdad. Marines contre civils, une religion dérange. Alors où sont les armes? Je trouve ça étrange. Croisade pour le pétrole et Bush fait l'ivrogne. Cogne à coups de missiles pour capturer Saddam. C'est le salam ricain, mais je trouve ça mesquin. Et ils osent nous dire que lors du 11 septembre 2001, on s'est tous sentis américains. De nombreuses bombes tombe, creuse des tombes, plonge un cimetière dans un cimetière sombre. Nibita gobe l'état du globe depuis 20 ans, Bagdad crame. Les gars révèlent Oussama ou Abad Saddam. De nombreuses bombes tombent, creuse des tombes, plonge un cimetière dans un cimetière sombre. Mais les grands de l'espoir, des gens dignes, que mieux des chars, des champs de mines, chantent l'hymne de l'espoir. Des rafales de balles, des tas à cette heure-ci, créent des tas de cadavres et les corps meurent strippés à leur âme. Les manieuvres, les gosses et les femmes se cachent enfin pour des caves et dans la peur pris. Face à cette tragédie, stratégie militaire qu'un riz s'efforce d'effacer toute trace de vie. Les Bagdadis sont pris pour cible dans cette barbarie. Ils courent à l'abri au prix pour vivre tout ce qu'ils vont fermer les yeux, j'entends la planète hurler. Journal, le bien, le mal, des guerres, des pourparlers. Les canons tonnent, on n'a plus le temps de coaguler. Les analyses financent, j'ai doute sur quel type spéculer. Et j'ouvre une porte sur l'enfer du décor. Et je vois ces âmes, la proie des flammes, qui sans choix des âmes supportent juste le poids des lames. Chaque nuit, leur ville brille quand elle essuie les tirs, les puits de missiles qui t'effacent, puis d'huile. Le monde est en flamme, l'humanité en panne, histoire en répétition. Les communautés en ébullition qui circulent sans passeport ni visa. Usi Glock, les salpistes foutent la merde jusqu'au don de bloc. L'Afrique crame, c'est grave, regarde les guerres civiles. Barbarie s'attire, Abidjan, Brazzaville. Des images dans le JT, y'a personne qu'intervient. Une raison, c'est que là-bas y'a pas d'oseille, cousin. High-tech oblige l'art de ces bâtards sera chimique. Et pour détruire la cellule, utilise la physique, les petites cliques. Assassine de manière artisanale, on se tape à la chacal, place les schlags dans les parcs fatales. Un bordel planétaire, pourquoi toutes ces guerres? Combien de civils sont morts pour un putain de bout de terre? Président ou ministre, qu'ils aillent tous crever. Qu'est-ce que la guerre à part une histoire glovée? De nombreuses bombes tombent, creusent des tombes et plongent un cimetière dans un cimetière sombre. Nibita gobe l'état du globe depuis 20 ans, Bagdad crame. Les gars révèlent Oussama ou Abad Saddam. De nombreuses bombes tombent, creusent des tombes et plongent un cimetière dans un cimetière sombre. Mais les grands de l'espoir, des gens dignes, que mieux des chars, des champs de mines, chantent l'hymne de l'espoir. Même si les raisons qui nous donnent riment à rien, pour des puits de pétrole, ils détruiraient le sol irakien. Personne dira rien, même les mains tachées couvertes de sang. Le gouvernement ricain nous ment ouvertement. Et j'ai la conviction que si les conflits sont permanents, c'est que la guerre est une machine à faire de l'argent. Ils jouent les ignorants, mais ils savent que c'est par le sang des innocents qu'on paye leur chargement d'armement. Toujours des litiges, ethnie et peuple en lit de mire, je crois y avoir tout vu. Et chaque jour il y a pire, on détruit en masse. Mec, les victimes s'entassent sur les territoires d'autrui. Tous les tirs en fantasme, les chefs d'état décident et débattent de leur cible. Ils ont le pouvoir et se justifient pas de leurs crimes. Des milliers de morts pour des millions de dollars. Mat toutes les armes en provenance d'Occident sont trop tard. Massacre après massacre, cette guerre apparaît chaque jour un peu plus sans issue et sans fin.